بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لسه أسألك عن كلمات هكذا. آه نعم، وفي غيث نوبو درس. نعم صح. الدرس التاسع نوفيام لسون. بر الوالدين. بر الوالدين. بر dans le sens de bienfaisance, obéissance. Al-walidaini, c'est le walidani, c'est le père et la mère, les parents. Et on a dit le walidan, bab at-taghrib. Parce que le walid, à la base, le walid, tout seul, à la base, c'est le père. Et le walida, c'est la mère. Mais le muzakkar, yaghrib al-mu'annaf. Donc on a dit le walidain. On peut dire également al-abawain. Les deux pères, pour dire par là, le père et la mère. كلمات جديدة. دار يدور. سي دار يدور بس تغني. دار الحوار. سي la conversation à tourner autour de telle chose. Hayyun. Là, c'est dans le sens de vivant. Et non plus quartier comme dans les douloureux précédents. Hayyun. Là, c'est le sens de vivant. Wal hayy min asma'illah. Celui qui a la vie parfaite, qui n'a pas eu de début, qui n'aura jamais de fin. Atala yutilu, c'est atala Allah umrayhima, que Allah prolonge leur vie. Umr, là, umr, c'est leur temps de vie. Atala Allah umrayhima. Atala, c'est allongé. Atala yutilu. C'est un doigt, dans le texte, il va venir, Inch'Allah. Tawaffahu Allah. C'est le fait que Allah le fasse mourir. Et tawaffahu Allah, là, c'est le mudari. Là, c'est séparé. Rahima yarhamu. C'est une erreur. Ah ouais, ils se trompent. Après, c'est Rahima yarhamu, c'est le fait de faire miséricorde. Waddaha yuwaddihu, c'est éclaircir. Barra yabarru, c'est faire preuve de bienfaisance, d'obéissance. Ta'atun, c'est l'obéissance. Kabura yakburu, c'est grandir ou vieillir. Ihsanun, c'est la bienfaisance. Wafatun, c'est la mort, le décès. Birun, on l'a pris au début. Walmayitu, c'est le défunt, le mort. C'est quoi dire wafatun? Wafatun. C'est le décès. La mort, maut. Là, on a un hiwar. On a plusieurs personnes. On a Mahmoud, on a Salim, on a Ahmed. Non. Donc, je vais lire le Mahmoud et le Muqaddima, et toi, tu vas lire Salim et Ahmed. Qal. حج محمود وسالم وأحمد. ممكن في الحج محمود سالم أحمد. وأثناء طوافهم حول الكعبة شاهدوا رجلا يحمل أباه على ظهره ويتوف به. Donc أثناء c'est durant. طوافهم c'est le circuit rituel autour de la Kaaba. شاهدوا c'est ils ont constaté, ils ont vu. Tu peux dire aussi, c'est au moment de. Mais là, tu n'auras pas pu le dire à ce moment-là. Ouais, je sais pas, à ce moment-là. Ouais, peut-être tu as pu le mettre aussi, non. Indama également. Mais là, indama, à ce moment-là, indama, il a fallu un verbe derrière. Pas un masdar. Donc, ils ont vu un homme, Yahmilo, qui porte, Abahu, son père, à la Vohrihi, ou Yatoufou Bihi, qui porte son père sur son dos et qui fait le tour avec lui, autour de la Kaaba. Fa'arjabahum mashahadu. Donc, ce qu'ils ont vu les a surpris, ou leur a plu. Wabard al-intihai. Et après avoir fini le tawaf, ils ont discuté de cet homme avec son père. Mahmoudun qal ajibni ya salimu hel waliduka hayyun wa hel walituka hayyatun. Donc il dit réponds-moi. Ajibni, c'est de ajaba yujib. O Salim, est-ce que ton père est vivant? Est-ce que ta mère est vivante? Il dit Naam, qu'Allah allonge leur vie. Et là, il faut mettre un qaïd dans ce genre de dua. Quand tu dis qu'Allah allonge sa vie, à l'istiqama, car vivre, si jamais c'est des gens qui sont pas sur la droiture, c'est pas un dua qui n'a à faire pour eux. Donc, Atallahu umrayhima, à l'istiqama, à l'al-khayr. Il faut mettre un qaïd. Bah, une longue vie dans le mal, l'arrêt, c'est pas un bien. La mort est meilleure que la fitna dans le djinn. Tayyib. Wa anta ya Ahmadou. Et toi ou Ahmed? Walidati tawaffaha tawaffaha Allah. Amma walidi fa huwa hayyun. Walhamdulillah. Dit ma mère, Allah, elle a décédé. Allah l'a fait mourir, quoi, dans le sens. Al mutawaffi, c'est Allah. Al-Mutawaffa, c'est celui qui est mort. Et quant à mon père, il est encore vivant, alhamdulillah. Rahimallahu walidatak wa barak fi abik. Que Allah fasse miséricorde à ta mère et qu'il mette la baraka dans ton père. Pourquoi cette question? Qal laqad tadhakkartu ar-rajula alladhi kana yahmilu walidahu fi at-tawaf 'indama qara'tu 'inda bir al-walidayn. Donc il dit, je me suis rappelé de cet homme lorsqu'il portait son père lors du tawaf au moment je lisais à propos de la bienfaisance des parents envers les parents. Non. Est-ce que tu peux nous expliquer comment être bienfaisant envers nos parents? نبرهما بطاعتهما وبمساعدتهما خاصة عندما يكبران وبالإحسان إليهما في حياتهما وبعد وفاتهما. Donc tu es bienfaisant envers eux en leur obéissant, en les aidant, particulièrement lorsqu'ils vieillissent, et la bienfaisance envers eux lors de leur vécu et après leur mort. هل يمكن ان تشرح لنا كيف يكون الاحسان الى الحي والميت منهما يا محمود؟ Il dit, est-ce qu'il était possible de nous expliquer, Sharahaz expliquer, comment faire preuve de bienfaisance envers le vivant et envers le mort au Mahmoud? قال نعم ولكن بعد ان اشرب كوبا من الماء ان شاء الله. Il dit oui, cependant après que je boive un verre d'eau ان شاء الله. التدريب الأول. Ça, c'est les questions du texte. أين دار الحوار؟ Où a tourné la conversation؟ ثانيا ما موضوع الحوار؟ Quel est le sujet de la conversation؟ ثالثا هل والد أحمد حي؟ Est-ce que le père de Ahmed est vivant؟ رابعا ماذا طلب سالم من محمود؟ Qu'est-ce que Salim a voulu de Mahmoud؟ خامسا كيف نبر والدينا إذا كبرا؟ Comment être bienfaisant envers nos parents s'ils vieillissent, lorsqu'ils vieillissent. Sadisan, hel birru al-walidain wajibun ala kulli insan. Est-ce que la bienfaisance envers les parents est obligatoire pour toute personne? Sabi'an, mata yastahiqu al-abawan musa'adat abna'ihima. Quand est-ce que les parents méritent l'aide de leurs enfants? Là, c'est abna'i, c'est leur fils, mais ça veut dire les enfants, en fait. Mata sayuwaddihu lahuma mahmoudun ma zakarahu lahuma. Quand est-ce que Mahmoud va leur éclaircir ce qu'il leur a cité? طيب الثاني أجيب كما في النموذج نموذج بين قوسين وضح قال ثم كتب هل يمكن أن توضح لنا ما تقول. Donc là, tu utilises les deux verbes qui sont entre parenthèses pour faire une phrase en disant « El yumkin an » tu mets le verbe « Lana » après l'autre verbe. « El yumkin an tubayyana lana ma ta'mal » Non. Est-ce que tu peux nous éclaircir ?« Bayyana » et « Waddaha » c'est pareil à peu près. Tu peux nous éclaircir ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ton travail en fait ?« El yumkin an tashra » تشرح لنا ما تراد تريد ما تريد. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu veux? أراد يريد. أيوة. هل يمكن أن تجمع لنا ما تستطيع؟ Est-ce que tu peux réunir pour nous ce que tu peux? هل يمكن أن تقول لنا ما تريد؟ Est-ce que tu peux nous dire ce que tu veux? هل يمكن أن تكمل لنا ما بدأت ما تبدأ؟ نعم. Peux-tu compléter pour nous ce que tu as commencé؟ هل يمكن أن تبيع لنا ما تعرض؟ تعرض. أيوة. Est-ce que tu peux nous vendre ce que tu as exposé؟ طيب يقول الثالث املأ الفراغات في الجمل الآتية باختيار حروف المناسبة. لا فوق تمت لي حروف على بن بلاس. ما رفع منا جاك تمام. إن شاء الله. هنا واو هنا بي هنا في هنا ما. قمير جملة نعم ولكن الدفع اليوم التالي. Donc oui mais cependant la paye le jour suivant. Ou le paiement plutôt. Fi. Fi. On dira fi, ahsant. Fi al-yawm al-thani. Thaniyan, hal waliduk al-khamsin min umrihi. Est-ce que ton père les 50 ans de son âge? La cinquantaine de son âge. Est-ce que ton père la cinquantaine de ton âge? De son âge, c'est-à-dire que... ما بي في aussi voilà ouais parce qu'il y a 5 phrases on a que 4 lettres donc fille va deux fois parce qu'il apparaît là c'est fille aussi هل والدك في الخمسين من عمره الله أعلم ce qui apparaît ثالثا دار بين أحمد صديقه حديث طويل أيوة سواء parce qu'il y a eu un discours une conversation qui a tourné entre Ahmed et son ami un long discours رابعا نبر والدينا طاعتهما nous sommes bienfaisants envers nos parents أيوة بي طاعتهما خامسا قال علي في الحوار دار بينه وبين أخيه علي دي dans le حوار ما لا سي الذي لا سي مسا اسم موصول معنى الذي ce qui a été dit entre lui et son frère regarde Pour demain, on va s'arrêter là. Je vais te donner un exercice. On va en faire deux. Déjà, en premier lieu, le saadis, qui est le fait de mettre les questions aux réponses exposées. On va les lire maintenant. قال دار الحوار بين بعض الزملاء. Que la discussion a tourné entre certains camarades. ثانيا طاعة الوالدين واجبة على الابن. Que l'obéissance des parents est obligatoire sur le fils, même la fille. Mais la femme, la fille lorsqu'elle est mariée, son mari مقدم على والديها. على والديها. Le mari passe devant les parents. Ce qui montre la grandeur du droit du mari sur la femme. Thalithan, na'am, atala Allahu umrayhima. Dit oui, qu'Allah ajoute de leur vie. Ani fil khayr, ajoute fil istiqama. Rabihan, tuwfiyat walidati qabla sana. Ma mère est morte il y a un an. Ahsana rajul ila jarihi, que l'homme a bien agi envers son voisin. Sadisan birru al walidain huwa al ihsan ilayhima, que l'obéissance des parents c'est la bienfaisance envers eux. Anta li rad, tu vas faire seul sadis, tu vas faire le sabir comme il est maintenant, et le hiwar. Juste le hiwar, tu veux l'écrire en texte. En os. Pas le début. Le début, le mukaddima, il est déjà en os. En fait, au lieu que ce soit un discours, une discussion, ça va devenir un récit. Tu racontes. Ça va être huwa qal, huwa qal, huwa qal, akada. Tamam ? Tu changes le hiwar en qissa. Et tu vas faire aussi ça à bien. On va prendre les questions maintenant, tu vas y répondre, inshallah. قال ماذا تفعل اذا مرض احد والديك, que fais-tu si l'un de tes parents tombe malade. ثانيا ماذا تفعل اذا سمعت ما لا تحب من احد والديك, que fais-tu si jamais tu entends ce qui ne te plaît pas d'un de tes parents, de leur part, l'un des deux dit une chose qui ne te plaît pas. ثالثا لماذا امرنا الله بالاحسان الى الوالدين, parce que Allah nous a ordonné la bienfaisance envers les parents. رابعا كيف تساعد اخواتك واخواتك, comment tu aides tes frères et tes sœurs. خامسا لماذا يجب ان تحسن الى اسرتك وجيرانك, pourquoi est-il obligatoire que tu sois bienfaisant envers ta famille et tes voisins. Donc tu réponds saadis saabir plus change de texte le hiwar en nas qissa. On a fait ça. فعلنا والحمد لله.